بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا في هذه الليلة الدرس الثالث والعشرون aujourd'hui donc en cette nuit nous verrons le cours numéro 23 toujours dans le livre de la prière باب الصفوف le chapitre des rangs le chapitre des rangs ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق بحكم التسوية وموضع المأموم من الرجال والنساء l'auteur il cite dans ce chapitre ce qui est lié au jugement de l'alignement des rangs, ainsi que la position des ma'moums, c'est-à-dire des personnes qui prient derrière l'imam, parmi les hommes et les femmes. Wa qala al-'allama Ibn al-Uthaymin rahimahullah, et le très savant Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il dit « As-sufufu jam'u saf » Le mot « as-sufuf » C'est le pluriel de as-saf, le rang. Wal muradu huna as-sufuf fi salat al-jama'a. Et ce qui est voulu ici, c'est ce sont les rangs dans la prière commune. Wa hiya min kamal salat al-jama'a. Et les rangs, donc l'alignement des rangs font partie donc de la perfection de la prière commune. Le fait de parfaire cette prière. Wa fi sahih Muslim an Hudhayfa. Attention, donc quand je dis perfection, ça ne veut pas dire que je veux dire que c'est pas obligatoire. On verra ça tout à l'heure, on va voir la divergence inshallah ta'ala. Wa fi sahih Muslim an Hudhayfa ibn al-Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fuddilna 'ala an-nas bi thalath. Et dans le recueil Sahih Muslim, selon Hudhayfa ibn al-Yaman, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous avons été favorisés par rapport aux gens, nous avons été favorisés au-dessus des gens par rapport à trois choses. « Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika » Nos rangs ont été faits, ont été placés comme les rangs des anges. « Wa ju'ilat lanal arandu kulluha masjidan » Et la terre tout entière a été placé pour nous comme lieu de prosternation. Wa ju'ilat turbatuha lana tahura idha lam najid al-ma. Et sa terre a été placée pour nous comme élément de purification si nous ne trouvons pas l'eau. Wa qad bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kayfa kana sufufu al-mala'ika haythu qala lis-sahaba ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué comment les anges s'alignent dans les rangs, comment ils se mettent dans les rangs, et cela lorsqu'il a dit, n'allez-vous pas vous ranger, vous mettre dans les rangs, comme le font les anges auprès de leur Seigneur. قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها Ils dirent ô messager d'Allah et comment est-ce que les anges se mettent en rang devant leur Seigneur Il dit sallallahu alayhi wa sallam يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف Ils terminent ils remplissent tout d'abord les premiers rangs et ensuite Et il se serre dans le rang. Et il se serre dans le rang. Une fois, il y a un fkar qui était venu pour me parler de ce sujet. Qu'il est venu à la mosquée, le premier rang, il était plein. Mais on aurait pu faire de la place parce qu'on garde trop d'espace entre nous. Et donc, il faut qu'on se serre dans les rangs. Parfois, on laisse beaucoup, beaucoup d'espace entre chaque personne. Alors qu'on doit normalement se serrer. Mais attention! Il ne faut pas aller dans un extrême, il ne faut pas quitter un extrême pour aller dans l'autre. De la même façon, je vous avais déjà cité une fois, un frère qui s'était retrouvé tellement serré dans le rang que je l'ai vu, il priait comme ça. Au lieu de prier tout droit, il a avancé son épaule pour pouvoir mettre ses mains correctement. Non. Ce qui est voulu par le fait de se serrer, c'est le fait donc que vous soyez tous en contact, qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux. Mais il ne faut pas exagérer en cela. Il ne faut pas exagérer de telle sorte que tu ne laisses plus d'espace à ton frère pour prier. Il faut faire attention à cela. Fait le hadith ou l'awwal. Et donc le premier hadith qu'il nous cite, l'auteur, An Anas ibn Malik radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Et donc le premier hadith selon Anas ibn Malik qui dit le prophète, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: alignez vos rangs, car l'alignement des rangs fait partie de la perfection de la prière. استدل الأئمة الأربعة بهذا الحديث على استحباب تسوية الصفوف. Les quatre imams, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire que l'alignement des rangs est recommandé durant la prière. Mustahab, que ce n'est pas obligatoire. Elle est où la preuve dans le hadith? Elle est où la preuve? Je répète le hadith. Sawu sufufakum. Alignez vos rangs. Fa inna taswiyata sufuf min tamam is-salat. Min tamam. Car l'alignement des rangs fait partie de la perfection de la prière. Et donc ils te disent ici, le prophète il a cité le fait de parfaire la prière. Ce n'est pas ce qui est obligatoire. C'est connu que dans la prière, on a, ou dans les actes d'adoration, on a ce qui est obligatoire, ce que, qui est impératif au serviteur de le faire pour que son acte soit valide. Et il y a aussi ce qui est mustahab, ce qui est recommandé, qui va parfaire son acte d'adoration, le compléter, l'améliorer. Et donc ça, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est l'avis de El Jumhur, les quatre écoles. وذهبت الظاهرية إلى الوجوب. Et donc l'école zahirite, il voit que l'alignement des rangs est obligatoire. L'alignement des rangs est obligatoire. ووافقهم الإمام البخاري رحمه الله وكذلك ابن تيمية ومن المعاصرين ابن باز والعثيمين والفوزان وغيرهم. Et donc cet avis est l'avis de l'école Zahirite, et ceux qui sont d'accord avec cet avis, parmi les savants, il y a l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ainsi que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et aussi, parmi les savants contemporains, nous avons Cheikh ibn Baz, ainsi que Cheikh ibn Uthaymin, et Cheikh al-Fawzan, parmi nos savants contemporains qui voient que l'alignement des rangs est obligatoire. Daliluhum, quelle est leur preuve ? دليلهم هو الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف. Leur preuve, c'est le deuxième hadith que l'auteur il va citer dans ce livre. Et ce deuxième hadith que nous allons lire tout de suite. عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون الصفوف أو ليخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم. Selon Nu'man ibn Bashir, qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, vous allez aligner vos rangs, ou alors Allah va détourner vos visages. Se détourner les uns des autres. Les savants disent, ce qui est voulu par là, ce sont dans les opinions. Tu as ton opinion. Tu as l'autre qui a son opinion. Vous vous détournez les visages. Et c'est pour ça qu'il y a une autre narration de ce même hadith qui dit « أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ » Où Allah va donc détourner vos cœurs, éloigner vos cœurs, les cœurs des serviteurs donc qui se divisent, donc de la division dans les rangs des musulmans. Et dans la version de l'imam Muslim, il dit « An-Nu'man ibn Bashir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alignait nos rangs à tel point que c'est comme s'il égalisait el-qidar, c'est-à-dire le bois qui est utilisé pour les flèches. Le bois qui est utilisé pour les flèches, il est connu qu'il faut bien l'égaliser. Pourquoi ? Pour que la flèche, elle parte en bonne direction. Et donc, lorsqu'il alignait nos rangs, c'est comme s'il alignait donc ses flèches tellement il le faisait avec précision, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'il voit que nous ayons compris cela de lui. Jusqu'à ce qu'il voit que nous ayons compris. Puis, il est sorti. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour jusqu'à ce qu'il était prêt à accomplir le takbir. Donc, le prophète, il s'est avancé. Les musulmans étaient derrière. Et donc, il s'apprête à accomplir le takbir jusqu'à ce qu'il ait vu un homme qui avait sa poitrine qui sortait, qui dépassait du lot. Comment ça? Le prophète, il était dos à eux. Comment il a fait pour le voir? Est-ce que ça veut dire qu'il venait pour faire le takbir et ensuite il a regardé comme ça? Ou alors l'autre, il était tellement avancé qu'il est arrivé au niveau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Aïwa. Min mu'jizati nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les spécificités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il voit derrière lui. Le fait qu'il voyait derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on va le voir dans un autre hadith qu'on va citer aujourd'hui encore. Et donc, il a vu cet homme. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ô serviteur d'Allah, vous allez aligner vos rangs, ou alors Allah va faire diverger vos visages. » Va donc détournez vos visages. ففي هذا الحديث أن تسوية الصفوف واجبة لأن ترك التسوية يؤدي إلى أمر منهي في الشرع. Il y a dans ce hadith le fait que l'alignement des rangs est obligatoire. Car le fait de délaisser l'alignement des rangs implique quelque chose, va entraîner quelque chose qui est interdit dans la législation. Et c'est la division. La division est interdite dans la législation. Et il y a plusieurs causes qui mènent à la division. Parmi les causes, le fait de ne pas s'aligner dans les rangs correctement. Certains peuvent se dire, « Ah, mais je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait entraîner. Comment est-ce que ça pourrait entraîner ? Tu ne vois pas ? » Rappelle-toi du hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, « Kouloub, Bani Adam, Bina Usbu'ain, Min Asabi' al-Rahman, Yukalibuha Kamasha. » Les cœurs des enfants d'Adam, des enfants de Adam, sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les tourne comme il veut. Il détourne nos cœurs comme il veut. Et là, le hadith, justement, il stipule le fait de détourner le cœur. Et donc, on doit faire attention, ne pas s'étonner quant à la division qu'il y a chez les musulmans. Quand on voit le peu d'importance qu'on accorde à l'alignement des rangs. Allah tabaraka wa ta'ala a fortement blâmé la division. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les polythéistes. Et il a dit, « Tahsebuhum jami'a wa kulubuhum shatta, dhalika bi annahum qawmun la ya'kiloun. » Tu penses qu'ils sont tous unis alors que leurs cœurs sont divisés. Cela parce que ce sont des gens qui ne raisonnent pas. La division montre le fait qu'on ne raisonne pas, le manque de raison. Et donc, l'avis le plus juste dans ce sujet est qu'il est obligatoire d'aligner les rangs correctement. Et c'est là qu'on voit justement le fait de respecter les avis, les différentes écoles. Souvent, je vous avais déjà dit, certains vont donc blâmer l'école Zahirite, etc. Ils viennent souvent avec des avis surprenants. Je te dirais, oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois, l'école Zahirite, ils viennent avec des avis qui peuvent être surprenants parfois. Mais regarde ici. Les A'immah al-Arba'a sont d'un côté, et de l'autre côté, tu as l'école Zahirite qui est venue avec l'avis le plus juste. Et donc, il est important à l'étudiant en sciences de respecter ceux qui l'ont précédé parmi les ulema, de respecter les différentes écoles juridiques qui sont reconnues chez les ulema. أما الحديث الذي استدل به الجمهور فإنه جاء في رواية سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. En ce qui concerne le hadith par lequel s'est appuyé la majorité des savants, les A'im al-Arba, les quatre écoles, le premier hadith qu'on a vu. Et donc, comment répondre à ce hadith qui montre qu'en fait il est recommandé? Nous dirons non, il n'est pas voulu par là que c'est recommandé. Ce n'est pas parce qu'on dit d'un acte qu'il va parfaire la prière que ça veut forcément dire qu'il est recommandé. Il peut effectivement parfaire la prière et il est obligatoire. De la même façon qu'il a été rapporté une autre narration de ce même hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Vous allez aligner vos rangs, car l'alignement des rangs fait partie du fait de conformer la prière, de rendre la prière conforme. » C'est ça qui est voulu par « Iqamatus Salat ». Fait « Iqamatus Salat wajiba ». Le fait donc de faire en sorte que la prière soit conforme, cela est obligatoire. Et aussi, il a été rapporté que certains compagnons insistaient sur cela quant au fait d'aligner les rangs, parmi eux Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wa aidan akhraj al-Bukhari fi sahihih bab ithmi man lam yutim as-sufuf. Aussi al-Bukhari l'a cité dans son livre, dans son recueil as-Sahih, le chapitre du péché de celui qui n'a pas rempli les rangs. Selon Anas radiyallahu anhu, أنه لما قدم المدينة قيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc dans Sahih al-Bukhari, selon Anas, lorsqu'il est venu à Médine, donc c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il fut dit à Anas, ô Anas, donc là c'est les tabi'ines, la génération d'après qui s'adresse à Anas. Ô Anas, quel reproche as-tu à nous faire depuis que tu as délaissé cette période durant laquelle tu vivais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Depuis que tu as délaissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel reproche que tu as à nous faire? Anas il leur a dit, radiallahu anhu, فَلَا مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ السُّفُوفِ. Il dit, non, je n'ai aucun reproche à vous faire. Sauf que vous n'alignez pas les rangs. Les ulama, ils ont dit, لَوْ أَنَّ إِقَامَةَ السُّفُوفِ لَمْ تَكُنْ وَاجِبًا مَا أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. Ils ont dit, si le fait d'aligner les rangs n'était pas obligatoire, Anas ne leur aurait pas reproché cela. Et donc, il est très important d'aligner les rangs. ثُمَّ, pour finir, أَحْبَبْتُ أَنْ أُنَبِّهَا عَلَى أَمْرٍ. Et pour finir, je voudrais attirer votre attention sur un point. كَيْفَ نُسَوِّي الصُّفُوفِ. Comment est-ce qu'on doit aligner les rangs? هَلْ هُوَ مِنْ أَصَابِعِ الْقَدَمِ. Est-ce que c'est avec le bout des pieds? Et donc, on aligne les rangs en fonction des bouts des pieds, ou certains, le petit orteil qui doit toucher l'autre petit orteil, etc. Est-ce que c'est ça? Non. Ce n'est pas du tout ça. Al-Ka'b. فَالْجَوَابَ أَنَّهُ أَنَّ الْمُعْتَمَدْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ مُحَادَةِ الْأَكْعُبُ. Ce qui est voulu, ce qui est pris en compte pour l'alignement des rangs, c'est l'alignement donc des Al-Ka'b. Al-Ak'ub, c'est la malléole. Et donc cet os qui va sortir à l'extérieur, au niveau donc la cheville, c'est ce qu'on appelle Al-Ka'b. Ce que certains vont traduire par la cheville, mais c'est pas ça. La cheville, ça englobe le tout. La cheville, ça englobe le tout. Et donc là, au niveau, donc, à côté, le côté extérieur du pied, on a un os qui sort. C'est cet os-là qui est voulu par le mot El-Kab. Et donc, ce qui est voulu donc, dans l'alignement des reins, donc, c'est l'alignement donc, de ce membre qui a été cité, El-Kab. Et il est important de comprendre que nous devons donc coller donc, nos chevilles. Nous devons les coller. Mais est-ce que ce qui est voulu par là, c'est que pendant toute la prière, tu vas coller ta cheville à ton frère? Est-ce que c'est ce qui est voulu par là? Normalement? Il y a certains qui ont les pieds qui sont un peu comme ça. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Parfois, tu vois des frères, pour pouvoir toucher la cheville de leur frère, il a son pied, il va le mettre comme ça, carrément. Et il va tenir toute sa prière comme ça. Toute sa prière comme ça. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a blâmé cela. Il dit que ça fait partie de l'exagération. Il dit que ce qui est voulu par là, c'est le fait qu'elle soit au même niveau. Donc que les chevilles soient au même niveau. Et donc, que tu vas coller la cheville de ton frère au début de la prière. Il dit, « Hadha Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, « El saqu litahakuk. » Il dit, le fait de coller les chevilles, c'est pour vérifier que tu es bien à la même hauteur. Et ensuite, après, tu peux te remettre normalement. Parce que souvent, parfois, tu vas avoir des frères qui vont avoir les chevilles un peu rentrées, on n'a pas les pieds de la même façon. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on ne se base pas sur le doigt du pied, sur les orteils? Parce qu'on n'a pas les pieds de la même longueur. Il y en a un qui va chausser du 47,5, l'autre qui va chausser du 30 et quelques. On ne sera pas aligné correctement. Et donc, on se base, barakallahu fiikum, sur la partie arrière du pied, donc ce qui est voulu par là, ce qui est à côté de la cheville, les kab, les akroub, donc qui sont donc sur les côtés extérieurs. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser. De la même façon que beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent ici, ils voient ces traits qui sont au sol. Normalement, ces traits, normalement, on devrait être capable de prier sans les traits. On devrait normalement être capable de s'aligner sans les traits. Mais lorsque tu vois le trait ici, est-ce que ça veut dire que tu vas mettre ton orteil devant? Non. Non. Certains, beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient ce trait, ils se disent, on se base sur le trait, et donc on met les pieds, le bout des orteils au niveau du trait. Eh ben non, c'est pas ce qui est voulu par l'alignement. C'est pas du tout ce qui est voulu par l'alignement. Et donc on doit faire bien attention lorsqu'on se met dans les rangs, barakallahu fikoum, on ne se fait pas tromper. Lorsqu'on voit le trait, ça veut pas dire que tu vas mettre le bout de ton orteil. Si tu te mets à côté de moi, on n'a pas la même taille, on n'a pas la même taille de pied. On va faire comment? Et donc, on doit faire très attention à ça, barakallahu fikoum. Si on ne veut pas non plus entraîner la division entre nous, on va arrêter là pour aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.